Bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette dernière édition de ce dimanche, le 14 janvier 2018, dont voici d'abord les grands titres. Certains politiciens de la province Lomongé s'indignent que la liberté politique n'est pas totalement garantie dans cette localité. Et le gouverneur de cette province répond que la préoccupation principale de ses citoyens concerne le développement de cette circonscription. Notre rédaction a dépêché Alain Désiré Boukéneza nous en dira plus. Alain également, la pénurie de carburant se fait parler toujours d'elle en province Ngozi. Depuis plus d'une semaine, aucune de ces stations n'a aucune goutte ni d'essence ni de mazout. Et à Muyinga, les élèves de l'église dite Batimo ont été renvoyés à cause du refus de se raser. Enfin, le reportage d'aujourd'hui nous conduit dans le centre d'une congrégation des frères de Mutwenzi dans la commune et province de Gitega où le centre accueille des enfants vivant avec un handicap mental. Voilà pour le décor. Tout de suite les détails du côté de la belle vitrine Metoussin Mitebouti au micro Evrar Haviariman. La radio de l'avenir. Rebonsoir et bienvenue encore une fois dans cette dernière édition de ce dimanche. Mais avant de développer ces titres, 15 personnes sont dans les mains de la police de Lomongé depuis ce samedi. 4 arrêtés à Mutambala sont accusés d'entretenir des cellules de prière sans autorisation. 11 autres, dont des Tanzaniens, ont été arrêtés à Mugala pour pratiques barbares. Kouandouan en langue nationale, selon la police, qui indique que leurs dossiers sont en cours de confection. N'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? 4 hommes, tous Burundais, ont été arrêtés sur la colline Mutambara où ils avaient réuni une cinquantaine de personnes dans une tente l'avant-midi de ce samedi. La police de Lomongé les accuse de prier sans autorisation et en dehors des temples ou mosquées autorisés par la loi. Selon la police, ils ont outrepassé la récente mesure du gouverneur de Lomongé interdisant les chambres de prière. Avant leur entrée au cachot, ces hommes qui se réclament des redresseurs ont avoué, verset biblique à l'appui, qu'ils ne peuvent en aucun cas construire une temple puisqu'ils ne sont pas une association religieuse, mais l'église de Dieu. Ainsi, ils ne peuvent pas demander la permission de monter une tente pour la prière, mais qu'ils sont prêts à abandonner ce genre de rencontre tout en gardant leur foi, la foi héritée de leurs ancêtres. Dans les provinces, à savoir les Cibitoke, Ngozi, Bubanza et Lomongé, vers 15h de ce même samedi, la police de Lomongé a mis la main sur 11 autres personnes, 5 Burundais et 6 Tanzaniens, sur le site touristique des eaux thermales de Mugara pour pratiques barbares Kouvandwa. Et ils étaient en possession de leur matériel composé de nourriture, boissons, lait et une tête de vache abattue ainsi que des médicaments traditionnels. Au président Kiza, commissaire provincial de police à Lomongé, appelle la population de Lomongé à rompre avec les pratiques obscurantistes et dit que toutes ces personnes seront remises au parquet pour la poursuite des enquêtes. Jean-Pierre Misago depuis Lomongé, Radio Isanganiro. Toujours dans votre province Misago, certains politiciens de la province Lomongé s'indignent que la liberté politique n'est pas totalement garantie dans cette localité. C'est de la coalition Amizero ya Barundi du parti CNDD disent souvent être empêchés de tenir leur rencontre. Le gouverneur de cette province répond que la préoccupation principale de ses citoyens concerne le développement de cette circonscription. De Lomongé, notre rédaction a dépêché Alain Désiré Boukinet. La cohabitation politique en province de Lomongé est généralement au bord fixe. Pourtant, les partisans de la coalition Amizero ya Barundi se plaignent que la liberté de réunion n'est pas garantie. Vous savez que nous ne tenons pas de réunion, nous ne faisons aucune descente. Vous savez même que notre leader ne peut effectuer aucune descente ici à Lomongé. Au sein de la coalition Amizero ya Barundi, nous n'avons pas encore fait une réunion pour pouvoir constater si nous serons empêchés ou non de la tenir. Au sein du parti CNDD, les partisans disent être souvent empêchés de tenir leur réunion. Franchement parlant, Même à l'intérieur de la permanence, nous sommes toujours surveillés lors des réunions. Dernièrement, j'ai été choqué de voir le chargé du service de renseignement se présenter lors des cérémonies d'ouverture de notre permanence. Nous avons considéré sa présence comme une manière de nous en empêcher. Vous savez vous-même que notre leader est en exil. Les partisans du Florina le considèrent autrement. Ils précisent que tout parti est libre, si du moins il est actif. C'est un pire mensonge. Les partis politiques sont sur terrain. Bien entendu, les partis qui disposent de membres. Par contre, c'est compréhensible si celui qui n'a pas de partisans grogne qu'il est malmené. Juvenal Bigirimana, gouverneur d'Olomongé, considère que ceux qui grognent n'existent que par leur lamentation. Je pense que ceux qui sont là pour grogner, ce sont des gens qui veulent que partout dans les médias, on peut entendre qu'ils existent. Sinon, nous organisons une réunion chaque trimestre avec tous les représentants des partis politiques ici dans la province d'Olomongé. Le gouverneur d'Olomongé précise que tout parti dépourvu de permanence sera considéré comme travaillant clandestinement. Alain Désiré Wukeyeneza de retour d'Olomongé. Vous écoutez Radio Isanganiro. On va marquer une courte pause avant de parler la pénurie du carburant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Pénurie de carburant en province Ngozi depuis plus d'une semaine. Aucune de ces stations n'a aucune goutte, ni d'essence, ni de mazout. Parmi les conséquences, la paralysie de certaines activités dans beaucoup de services. Ngozi, nous appelons notre correspondant Apollinaire Mudzagara. Trouver du carburant en Ngozi sur toutes les stations n'est plus possible, et cela depuis une semaine. Pourtant, au marché noir, une bouteille en plastique d'un litre et demi coûte 9000 fambou. Et là aussi, ce n'est pas facile à en avoir. Les conducteurs de taxi-moto ou des véhicules de transport fixent le prix de transport comme ils veulent, doublant même son prix comparativement à celui des conditions normales. Bon nombre de véhicules en des particuliers et même ceux de service sont garés à la maison ou au service à cause de cette pénurie d'essence et de mazout. Certaines activités sont paralysées pour bon nombre de services. C'est le cas du Prodéfi qui dit avoir du pain sur la planche à arriver à Kayaranza ce lundi pour la réception de plans fruits. Aussi, s'observe des grognes chez les patients qui devraient être acheminés en urgence à l'hôpital en provenance des communes les plus éloignées du centre. Certains pompistes indiquent que ce carburant sera disponible dès la semaine prochaine, sans toutefois préciser le jour. La population d'Ngozi demande que ce problème soit résolu rapidement avant qu'il ne soit tard. D'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Toujours au nord du pays, Apollinaire, des élèves ont abandonné les études à cause de leurs croyances religieuses. C'est notamment des filles de l'église Edith Batimosha renvoyées à cause du refus de se raser. Pour certains directeurs, c'est le principe de laïcité de l'école qui entre en jeu. Le point avec Dieudonné Nzeima. Belize Akimana, adolescente qui fréquentait jusqu'au premier trimestre la 9e année de l'école fondamentale commune Muyinga, est l'une des élèves qui ne parviennent pas à concilier foi et règlement du ministère de l'Éducation. Nous l'avons trouvée chez elle à Kalemela, en train de tamisser du haricot. Je me transforme petit à petit en jeune paysanne, mais sous un ton de regret. Belize et sa petite sœur ont été renvoyées de l'école. Motif, avoir refusé de se raser les cheveux conformément à l'ordre du ministre de l'Éducation. Elles appartiennent à l'église dite de Dieu. Les parents de ces enfants précisent que selon leur foi, une fille ne peut pas raser les cheveux assimilés au voile. Belize et sa sœur s'ajoutent à d'autres filles renvoyées de l'école ici et là dans les établissements publics et privés de Muyinga. Les directeurs des établissements brandissent le principe de laïcité de l'État burundais pour expliquer que la loi doit s'appliquer à tous et sans considération religieuse. Mais certains des responsables scolaires trouvent que ça devrait faire objet de discussions entre le ministère et les responsables des églises, d'autant plus que ce sont les jeunes qui sont déboussolés par les différentes doctrines. À part les victimes du refus de se raser, les adventistes sont aussi parfois punis pour les examens ou autres travaux organisés le samedi dit jour de sabbat. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Du nord du pays, Dieudonné, à présent nous nous rendons à l'ouest du pays. Parmi les codes de l'insécurité routière figurent les motos et la plupart d'entre elles sont sans documents. Cela est dit par les autorités de la province de Bubanza qui déplorent également le fait que même certains motos de l'État sont sans documents. Pescaritas Kawanyan. Dans la seule commune de Bubanza, au cours de la semaine passée, deux accidents ont été enregistrés selon des sources policières et les victimes sont les motards qui ont été grièvement blessés. Les autorités policières et administratives de cette province de Bubanza précisent que les motos sont parmi les grandes causes de l'insécurité routière et déplorent le fait qu'il y a même des motos de l'État qui n'ont pas de documents. C'est le cas des motos données aux directeurs communaux de l'enseignement dans chaque commune et celles des inspecteurs des finances communales, comme le précise Tarsis Niongabo, gouverneur de Bubanza. Dans le travail de la sécurisation routière, nous sommes heurtés à un problème des motos qui n'ont pas de plaque. Et ces motos sont les motos des directeurs communaux de l'enseignement, les motos, la moto de l'inspecteur provincial des finances. Ce que nous demandons au ministère concerné, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, c'est de chercher les plaques pour ces motos afin donc de les matriculer, afin qu'elles aient la silence pour la sécurité de leur santé, de leur vie, mais aussi pour la sécurité de toute personne qui passe dans la route en général. La population de cette province demande donc aux autorités de multiplier les rafles dans les routes et empêcher de travailler les motards sans documents afin qu'on puisse diminuer les accidents. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Space Caritas Kabanyana, retour à Bujumbura, le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi. Esteban Sigle demande au gouvernement qu'il y ait un dialogue pour débattre des défis qui hantent ce secteur. Le président de ce syndicat le dit au moment où le syndicat célèbre 25 ans d'existence. Rémi Senghion va faire savoir que certaines difficultés font face aujourd'hui sont les enseignements, le maigre salaire, les effectifs et prétoliques d'élèves. La politique de redéploiement qui a été émaillée d'irrégularités, mais se réjouit de certaines réalisations de son syndicat durant les 25 ans. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Aubin Nyonguru. Pendant cette période, le FEB a pas mal de réalisations dans son actif. Nous avons participé aux négociations avec le gouvernement qui ont abouti au déblocage de la carrière enseignante, à l'harmonisation des salaires, qui est un processus qui devrait continuer, à l'organisation du travail. Nous avons revendiqué collectivement et individuellement en cas d'injustice. On a aussi participé activement à la mise en place de la Fondation Logement des enseignants FLE et de l'Office national des pensions rentes, ONPR. Toutefois, le STEB n'a pas connu des avancées seulement, puisqu'à chaque fois qu'on revendiquait, il y a eu des enseignants qui ont été harcelés, intimidés, emprisonnés. Aussi, les conditions de travail et de vie de l'enseignant d'aujourd'hui sont très précaires. Nous citerons entre autres le salaire maigre par rapport à la dévaluation actuelle de la monnaie burundaise. Aujourd'hui, on enseigne un pléthore d'élèves par classe et sans matériel didactique insuffisant. Et aujourd'hui, il est déstabilisé par le redéploiement, car il y a des redéployés qui vivent dans de très mauvaises conditions. Ils sont partis malades, qui louent ailleurs alors que les moyens ne sont pas suffisants. Malheureusement, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les entendre, car les portes n'ont jamais été ouvertes au recours. Aujourd'hui même, il y en a qui n'ont pas pu arriver là où ils devraient être. Malheureusement, on est en train de suspendre le salaire. On risque de les révoquer sans les entendre. Même si nous voyons qu'un à un revient, on aimerait savoir comment ils reviennent pour que d'autres sachent où aller pour faire ces recours. Nous demandons alors au gouvernement de relancer un dialogue social entre employés et employés pour écouter leurs doléances et surtout augmenter les salaires annuellement relativement à la dévaluation de la monnaie. Et cela commencerait par le déblocage des gères des annales et d'indemnités que les travailleurs recevaient annuellement. L'harmonisation ou la réduction du disparité salarial ne devrait pas être la cause du gère des annales. Rémi Senghion, le président du syndicat des travailleurs de l'enseignement au Burundi, STEB, dont les propos ont été recueillis par mon confrère Aubin Nyonghur. Et sans transition, il a été créé une agence burundaise pour l'emploi des jeunes ABG en cycle, dans le but d'aider les jeunes diplômés à trouver de l'emploi après une période d'encadrement en stage. Ce sont les propos de Pierre Claverini Magalité, le conseiller à la direction générale de la jeunesse, ce vendredi lors de la conférence interuniversitaire organisée par l'association New Vision for New Generation sur l'entrepreneuriat des jeunes au Burundi. Suivez plutôt Pierre Claver ni Magalite. On a mis en place une agence qui est chargée d'accueillir tous les jeunes ressortissants des universités, tous les jeunes qui terminent les études pour que quand même ils puissent faire ce stage de premier emploi qui les aide à être qualifiés comme des gens qui ont une expérience dans le travail tout en chacun. Quand vous allez chercher un boulot quelque part, on ne va pas vous dire que vous n'avez pas d'expérience alors que vous avez fait le stage de premier emploi. Autre chose, on a mis en place, on a créé un centre de volontariat de jeunes pour que quand même ces jeunes-là qui n'avaient pas d'ambition d'être des volontaires, parce que c'est en commençant par le volontariat qu'on peut avoir même un boulot quelque part, qui peut être embauché quelque part. On arrive à encadrer au moins 500 jeunes volontaires qui travaillent dans trois provinces, donc Ngozi, Gitega et Bujumbura et Rihai. Il y a des gens qui ne savent pas que là, on peut accueillir les gens qui terminent les études pour faire cette formation de premier emploi. Parce qu'on ne veut pas vous chercher là chez vous, il faut approcher le ministère. Et là, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais quand même une grande partie, on fait la sélection là aussi. Mais une grande partie peut avoir une place. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Oui, c'est sur ce site www.isanganiro.org que vous nous captez depuis Monrovia, la capitale du Libéria. Ellen Johnson Sirleaf est expulsée de son parti. La présidente Ellen Johnson Sirleaf est expulsée de son parti pour violation de la Constitution. Le parti de l'unité l'accuse de ne pas avoir soutenu son candidat, le vice-président Joseph Boaké, lors du second tour de la présidentielle. Comme nous lisons sur BBC Afrique, la présidente Ellen Johnson Sirleaf aurait été vue en train de faire campagne avec son rival, la star internationale du football, George Weah. À la source, reportage. Et le reportage d'aujourd'hui nous conduit dans le centre d'une congrégation des frères de Mutkwenzi dans la commune et province de Gitega. Le centre qui accueille les enfants vivant avec un handicap mental. Parmi les problèmes auxquels font face ce centre qu'on peut citer, entre autres, le manque de médicaments et le manque du courant électrique. Frère Désiré Nguyé, directeur de ce centre, dit que les médicaments coûtent cher et demande à toute l'âme charitable de leur venir en aide. Reportage de médiatrice Emirusa. Nous sommes au centre médico-pédagogique de Mutwenzi, à quelques 4 km de la ville de Gitega, au centre du pays. Le centre accueille des enfants vivant avec le handicap mental causé par la lésion cérébrale. Celui-ci est l'un des saints hébergés à l'IMP Mutwenzi pour y bénéficier des soins. Je m'appelle Gigi, j'ai 5 ans, mon père est Thierry, je suis à Mutwenzi. Le centre de Mutwenzi accueille différentes catégories de malades, indique frère Jean de Dienguillé, le directeur. Nous accueillons les enfants dépendants, totalement, partiellement. Nous accueillons aussi des enfants avec déficience intellectuelle, mais physiquement qui sont bien. Pourtant, nous les appelons des enfants autonomes si nous considérons du côté physique. Et puis, parmi les enfants dépendants, totalement, partiellement, nous avons des enfants avec infirmité motrice cérébrale, d'autres avec l'infirmité motrice d'origine cérébrale, d'autres enfants. Nous accueillons aussi des enfants avec déficience intellectuelle qui sont parmi les enfants autistes, les enfants avec trisomie 21, aussi les enfants qui ont eu des séquelles épileptiques, et puis les enfants avec l'hydrocéphalie, les enfants avec des grosses têtes, aussi des enfants avec spina bifida. Ernest Ndaizeye est un parent de la commune Songa, en province Buhuli au sud. Il est venu rendre visite à sa fille qui, au début, ne parvenait pas à se tenir debout, encore moins à marcher. Après 5 mois de traitement à l'IMP Mutwenzi, M. Ndaizeye affirme que l'enfant commence peu à peu à marcher. Mon enfant présentait des signes de l'épilepsie. Il perdait connaissance tout le temps. Il ne parvenait même pas à se tenir debout. Arrivé à ce centre, on m'a dit que mon enfant a un retard mental. Je vois pour le moment qu'il y a une évolution, car il commence à marcher. Le centre Mutwenzi qui accueille des enfants internes et externes se heurte à un certain nombre de problèmes, notamment ceux en rapport avec le logement pour les patients qui bénéficient des soins étant internes. Encore une fois, Jean Dodien Guillet, le directeur. Actuellement, d'abord, comme ce sont des enfants qui vivent à l'internat, il y a un problème aussi de logement. nous connaissons beaucoup de demandes, se sentent plus influents parce que nous avons des enfants qui proviennent de la Tanzanie, d'autres du Rwanda, d'autres de la RDC. Actuellement, il y a un problème de couvrement de l'électricité parce que pour le moment, c'est une question casse-tête pour nous. Avant, c'est le gouvernement qui nous prenait en charge. Pour le moment, c'est le centre. Alors, nous avons besoin des gens qui nous aident parce que ces enfants doivent rester dans un endroit clair. Et les enfants, ils ont besoin toujours de l'eau chaude qu'on utilise même pour la propriété corporelle, vestimentaire. Et puis, même l'électricité, nous l'utilisons pour les activités d'autofinancement, pour nos appareils de physiothérapie, le matériel de couchage pour les draps, les couvertures. Il y a aussi les médicaments pris en charge de ces enfants. Et puis, nous manquons souvent les médicaments. Notre centre a toujours besoin de coopération. Alors que la capacité d'accueil de l'Institut médico-pédagogique de Gitega est normalement de 20 enfants, l'affluence des patients est de l'ouest périphérique aujourd'hui. Elle est de 158 enfants au total, dont 128 admis à l'internat. Et c'est sur votre reportage médiatrice que nous bouclons la boucle de ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. Certains politiciens de la province de Lumonge s'indignent que la liberté politique n'est pas totalement garantie dans cette localité. Et le gouverneur de cette province répond que la préoccupation principale de ses citoyens concerne le développement de cette circonscription. Notre rédaction avait dépêché mon confrère Alain Désiré Bokieneza et nous a dit beaucoup. Alain également, la pénurie de carburant se fait parler toujours d'elle en province Ngozi. Depuis plus d'une semaine, aucune de cette station n'a aucune goutte ni d'essence. Ni Domazou, tu es à Mouyink. Les élèves de l'église Edith Sabati Moche ont été renvoyés à cause du refus de se raser. Enfin, le reportage d'aujourd'hui nous a conduit dans le centre d'une congrégation des frères de Moutkwenzi dans la commune et province de Gitega, où le centre accueille des enfants vivant avec un handicap mental. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Evrard Haviarimana. Excellente soirée à tous et ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent sur Isangani. Isangani.